des phrases posées sur des notes. S'écouter c'est une chose, poser c'est une autre. Reconnu pourquoi, reconnu par qui. Faire parler les médias alors que c'est l'acquis. Parle en premier en tout cas, chez moi c'est ainsi. Chaque mot qui apparaît sur mon papier c'est un signe. Devenir une star, ça veut dire quoi. Être polo sur Insta ou faire des 100K. La gloire est dans la réussite de ce que l'on fait. Persévérance et patience, force de respect. Faire des petites choses avec grandeur, trouver la paix. Être à l'écoute de son grand cœur et son appel. Combien de fils se sont perdus en oubliant leur mission. Entre vice et vertu, cherchant le million. Réussir, savoir vivre sans se mentir. Réussir, se jeter dans le vide sans atterrir. Toujours rêver de monter sur scène. La musique m'a bercé. Se voir gravir les échelles. Du café concert à Bercy. Oui c'est facile d'être déçu. Faut pas que j'oublie cette force qui m'anime depuis le début. Cette force qui me ravit même épuisé. Faut pas que j'oublie pourquoi j'ai épousé. Ma plume, le micro, ma voix et la scène. Ma gratitude est au plus haut, je vis de ce que j'aime. Oui dans ce monde d'appartenance, le jugement taille comme une arme blanche. Tout est image, les chiffres dominent. Vouloir être en première page, très de triste mine. À la base, je voulais juste faire des albums. Et pas passer ma journée à tenir un smartphone. À la base, je voulais juste faire des albums. Réussir, ça veut dire quoi? Dis-moi, dis-moi. Réussir, ça veut dire quoi? Réussir, ça veut dire quoi?